Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre A. Asperges à la Pompadour. Monsieur de Jarente, ministre d'État pendant la faveur de Madame de Pompadour, a laissé à notre célèbre gourmand Grimod de la Reynière, digne neveu de son oncle, la prescription suivante. Choisissez 3 bottes des plus belles asperges du gros plant de Hollande, c'est-à-dire blanche avec le bout violet. Faites parer, laver et cuire en les plongeant comme à l'ordinaire, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante. Tranchez-les ensuite en les coupant en biais du côté de la pointe, à la longueur du petit doigt. Ne vous occupez que des morceaux de choix et laissez de côté le reste de leur tige. Mettez ces 10 morceaux dans une serviette chaude afin de les égoutter en les maintenant chaudement, pendant que vous confectionnerez leur sauce. Videz un moyen pot de beurre de Vanvre ou de la Prévalet en prenant le contenu par cuillère et le mettant dans une casserole d'argent. Joignez-y quelques grains de sel avec une forte pincée de massie en poudre, une forte cuillerée de fleur de farine d'épeautre et de plus 2 jaunes d'œufs frais, bien délayés avec 4 cuillères de suc de verjus muscat. Faites cuire la dite sauce au bain-marie en évitant de l'alourdir, en la lui laissant prendre trop d'épaisseur. Mettez vos morceaux d'asperges tranchées dans la dite sauce et servez le tout ensemble en casserole couverte et en extra pour que cet excellent entremets ne languisse point sur la table et puisse être apprécié dans toute sa perfection.